Tortoni et Arbatax tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Bonjour à tous, vous écoutez le 5.4, c'est Radio Panique, c'est Tortoli et Arbatax, Tortoli sans Arbatax. Je suis Tortoli et mes invités seront donc Arbatax. Je reçois des invités cette semaine, on fait une émission spéciale jazz, J-A-Z-Z. Est-ce que mes invités sont bien là? Et bonsoir. Oui, tout à fait. Il est là. On vous présentera peut-être par la suite. Sachez que c'est une émission placée sous le free jazz, le jazz, dans la continuité de ce qui s'est fait juste avant, avec l'émission Taran's Free Jazz Hour, qui se déroule tous les mardis de 15h30 à 17h. Nous, on prend le relais, Tortoli et Arbatax. C'est Radio Panique, c'est le 105.4. Et comme dans toutes les émissions de Tortoli et Arbatax, il y a un beau générique, parfois apprécié, parfois détesté. Mais mes invités en parleront peut-être un petit peu après. Toujours est-il que c'est Michel Jonas avec la boîte de jazz. Vous voulez dire un petit mot là-dessus? C'est totalement approprié avec le sujet, je pense. Voilà, c'est une très bonne remarque. Ouais. Cette émission sera aussi placée sous le signe de l'expression modérée et assez lente, puisque nous pèserons nos mots. Ouais. Nous ne dirons pas tout et n'importe quoi. Il y a des modérations. Ça va être très très bien. Ça va être très bien, voilà. Tout à fait. Ouais. Les invités sont d'accord. Affirmatif. Nous allons donc, je pense, passer au générique de la semaine. Allons-y, mon cher Tortoli. Merci. Je ne dévoile pas encore votre prénom. Un peu nage, je descends dans la boîte de jazz, histoire d'oublier un peu le cours de ma vie. Les gars me regardent énervés, c'est pas un habitué, sûrement pas un amoureux de désir. L'orchestre s'installe des professionnels, come on boy, c'est moi qui s'interpelle. Hey Gus, tu connais Charlie Mingus? Oh, par cœur, je connais par cœur. Le nom est Davis. Aussi, le connais aussi. J'aime tous les succès de Duke Ellington, tous les standards de Scarpe Person, Lionel Hampton, Scott Hamilton, Duke Ellington. Ok. J'avance doucement et je rase les murs de la boîte de jazz pour arriver pétrifié jusqu'à la scène. Dans un coin, un orgue m'attire. Ça y est, je transpire, timidité surhumaine. Et si c'était la chance de ma vie, je me lance, allez, tant pis. Scott Hamilton, Duke Ellington, Maga Jackson, a sound comes on, a mic there's on, a scalp it there's on. Un peu parti, un peu naze, je sors de la boîte de jazz, histoire de reprendre un peu le coup de ma vie. Radio Panique présente Tortoli et Arbatax. Ya, voilà du Bouddha, voilà du Bouddha, voilà du Bouddha. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, y'en a plus, pour les Belges, y'en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges, y'en a plus, pour les Belges, y'en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Wow, wow, wow, c'était donc amazing. Amazing. Michel Jonas, le générique de la semaine de Tortoli et Arbatax. Une émission jazz ce mardi. Une moto, ça n'était pas prévu. C'est une moto jazz. C'est une moto jazz. De la marque jazz. Effectivement. Effectivement. Vous l'aurez compris, je suis entouré d'invités. D'inviter bande de rigolo. Une bande de rigolos assez jazzy. Tout à fait. Messieurs. Assez funky fresh. J'allais le préciser. Monsieur à ma gauche, vous êtes donc Camille Escoubet, spécialiste in extremis de jazz. In extremiste. In extremiste ouais. De jazz. Vous viendrez nous parler de jazz et d'ailleurs plus tard. Effectivement. Mais vous avez également le micro ouvert, pignon sur rue, vous avez parole, monsieur Camille Escoubet. Mais si je devais parler de Michel Jonas après le morceau que nous avons écouté précédemment. Est-ce que vous avez vraiment envie d'en parler? Pas vraiment. En fait, d'une certaine manière, j'ai juste envie de dire que par ses accords, par ses références, on sent que Michel a mis tout ce qu'il pouvait pour résumer le jazz en à peine 4 minutes. Ça, je trouve ça assez fantastique. C'est effectivement ça. Voilà. C'est dire que cette chanson... Émission de jazz et bégaiement. Voilà, c'est jazz. Donc un petit peu lent, ça s'adresse à des oreilles... parfois blessés, des oreilles parfois meurtries, des oreilles souvent vieillies. C'est le jazz est plutôt capté par une émission, disons, old school. C'est gens qui ont la trentaine, la quarantaine dépassée. Je ne parle pas du reste. C'est gens qui approchent la retraite. Toujours est-il que ce Michel Jonas fait de grandes références. Il nous a sorti tous les noms du jazz. Hein. Ouais, Charlie Mingus. Michael Jackson. Il a fait rentrer le jazz dans les chaumières. Quoi. Il a fait rentrer le jazz dans les chaumières. Voilà. Ouais. Merci de cette information. Baron Van Wagner, voilà, vous êtes présenté. Oui, bonsoir. Vous êtes donc le deuxième invité de ce Tortoli Arbatax Radio. On dirait bien. Voilà. Vous me coupez la parole quand vous voulez, mais sachez que c'est assez désagréable. Ah, excusez-moi. Voilà, mais il n'y a pas de problème. L'émission est jazz, il n'y a pas de souci, on est sur la même longueur d'onde. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter là-dessus, ami jazzman, Baron Van Wagner, Camille Escoubet? Peut-être, moi, après le prochain morceau. Le prochain morceau. Ouais, voilà. La saucisse de morceau. Voilà. Le prochain morceau, d'ailleurs, qui s'appelle Couleur créole. Je crois savoir, Camille Escoubet, c'est vous qui êtes à l'origine de cette incursion dans la playlist. Oui, je vous ai demandé de mettre ça quand j'ai su que le Baron Van Wagner venait, que ça faisait directement référence à ses racines. Et j'espère que ça lui fera plaisir. Monsieur Baron Van Wagner, qui, faut-il le préciser, est d'origine cochon ou créole. Limite arienne, oui. Voilà, un savant mélange de cochon et de créole. C'est le titre de Julien Louraud. Julien Louraud, un fameux jazzman. J'allais dire guitariste, mais c'est toujours ce qui sort à ce moment-là. J'ignorais l'instrument de prédilection. Il est saxophoniste. Il est ministre ou niste. Saxo-ministre. Saxo-ministre. Saxo-ministre. Le ministère du saxo, Le ministère du saxo, créé très récemment. Et donc ce Julien Louraud a sorti Cochon Créole. Ce titre qui est issu d'un album que vous connaissez. Tout à fait, qui s'appelle Fire and Forget, qui est un album qui tire un petit peu vers l'électro, tout en reprenant les racines de Julien, très classiques finalement. Des racines assez classiques. Fire and Forget, c'est le nom de l'album, que l'on traduirait par Monsieur Baron von Wagner, Fire and Forget. Est-ce que vous qui êtes un fin spécialiste des langues étrangères, ça serait feu et oubli, quelque chose comme ça. Feu et oubli. D'ailleurs, une question me traverse l'esprit. Je vous écoute. Feu ou oubli pour vous? Ça dépend du moment. Là, en ce moment, c'est plus l'oubli, on va dire. Eh bien, le suspense reste entier. Peut-être nous aurons la réponse à la fin de ce morceau de Julien Louraud, Fire and Forget. Baron von Wagner, je vous propose de réfléchir à cette question. Et nous nous retrouvons juste derrière. Oui. Vous écoutez Tortoli et Arbatax, sans Arbatax. Mais c'est une spéciale jazz. Tout se passe bien. On est là jusqu'à 18h. Quelque chose à rajouter ? Jusqu'à 18h aujourd'hui ou demain ? Jusqu'à 18h ce mardi. Très bien. Vous m'envoyez ravi. Et déjà mardi ? Déjà mardi. Bientôt le week-end. Plus que 2 jours. Je sais plus quel magazine que... En Belgique, 10% de la population est exclue du jeu de la société. Mais c'est un cauchemar ! Vous réagissez négativement ! Et le tiers-monde, vous en faites quoi ? C'est une bonne question ! D'écouter Radio Panique. Sur place ou emporté ? D'écouter Tortoli et Arbatax. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Agissons ensemble contre l'analphabétisme. De retour dans l'émission Tortoli et Arbatax, c'est le 105.4. Vous écoutez Radio Panique comme tous les mardis de 17h à 18h. Et j'ai repris une petite voix un petit peu accélérée, puisque chronique oblige, c'est l'expression de la semaine, la chronique de l'expression de la semaine. Même si, doit-on le rappeler, nous sommes dans une émission spéciale jazz avec des invités de renom et de nom. Messieurs Camille Escoubet, Baron Van Wagner. Je vois que vous me saluez, les auditeurs ne le voient pas, c'est parfait. Toujours est-il que vous avez préparé, chers messieurs, des expressions. Ça fait combien de temps que vous êtes sur ces expressions ? Au moins un quart d'heure. Un quart d'heure. Moi plutôt deux semaines. Plutôt. Il y en a un qui va mettre une branlée à l'autre, apparemment. Toujours est-il que je vous rappelle le principe de cette chronique, expression de la semaine. En l'occurrence, nous sommes trois, donc il y aura trois expressions qui sont proposées à un public impartial, composé d'auditeurs chéris de Tortoli et Arbatax. Et ceux-là même votent pour l'expression de la semaine qu'ils préfèrent. Nous allons les mettre en jeu. Qu'en pensez-vous, Baron Van Wagner ? Peut-être voulez-vous débuter ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vous n'êtes pas obligé de parler comme ceci. Ouais. On peut accélérer le pas juste pour cette... En 33 tours. Ok, d'accord. On peut repasser en 33 tours. Allez donc. J'avais pensé à l'expression « ça va jaser ». Bravo, bravo. Ça va jaser. Érudit. Érudit. comment savez-vous qu'il s'appelle Rudy ? Rudy Van Wagner. Oui, oh pardon. Évidemment. Rudy Voleur. Rudy Voleur. Rudy le Voleur. Monsieur Camille Escoubet, vous me laissez la main, je prends la main, qu'en est-il ? Prenez la main, prenez la main. Je préfère conclure, alors, terminer. Alors, serrons-nous très fort les phalanges, je prends la main. Mon expression est la suivante. Pim pam padam padam pam. Voilà, c'est une expression de jazz. Peut-être n'êtes-vous pas initié. Toujours est-il que dans le milieu du jazz, c'est assez fréquent de rencontrer ce genre de... C'est engagé d'onomatopée. Également. C'est engagé. Également engagé. Je ne me risquerai pas une traduction qui pourrait s'avérer un petit peu fausse. Donc je vous laisse avec simplement le mot. Pim pam pam pam pam pam pam. Voilà, il y a quelques variantes. Hein. Je vais pas vous les faire. Ouais, d'accord. vous avez donc le privilège d'ajouter une troisième expression. J'ai la troisième main. Vous avez la troisième main du carrosse. Alors, mon expression sera le festival de jazz de Montreux, Suisse. Il y a une virgule. C'est plus qu'une expression, c'est un jeu de mots. C'est une tirade, comment dire. Un jeu de mollet, quoi. Un jeu de mollet, tout ouais, à fait. Très bien. Je vois le baron Van Wagner qui se rit derrière sa barbe. Il est sûr de gagner. Il est sûr de gagner. Quelle impotence. Quelle toupée. Quelle toupée. C'est dégueulasse. Bah oui, nous avons placé un peu la barre haute, hein, cher baron. Nous sommes désolés. Ouais. Pas plus à dire. Jazz. Ouais. Rastafari, Babylon. Jazz. Rastafari. Très bien. Nous y voilà. C'est donc la fin de cette chronique. Chacun peut peut-être rappeler son expression. À moins que personne le souhaite. Si je l'appelle, je suis pas sûr que ça va venir. Oh là là. Oh là là, le baron est en forme. Le baron est en forme ce mardi. Baron. Un grand baron. Il devient rouge, le baron rouge. J'ai envie de vous dire, barrons-nous. On rit dans les salons de jazz, on rit. Voilà, c'est sympathique. Donc voilà, les auditeurs sont donc prévenus pour voter pour l'expression de la semaine. Il suffit pour eux de se rendre sur Internet, le fameux réseau social, Jazzbook. Jazzbook, voilà, pardon. Ma langue à fourchette, monsieur le baron. Toujours est-il qu'ils se rendent sur le réseau Facebook et ils votent pour l'une ou l'autre expression de la semaine. Ça vous va ? Ça va très bien. Baron ? Oui. Très bien, nous allons enchaîner avec un nouveau morceau. Un nouveau morceau, peut-être que Camille Escoubet, ici présent, va nous présenter. Vous l'avez choisi dans votre playlist, souvenez-vous. Oui, mais comme j'ai pas la feuille sous les yeux, je vois pas de quel morceau vous voulez parler. Je pensais à ce bon vieux Steve Cole avec Man, le Steve Coleman. Steve Coleman. C'est un super héros en fait. qui colle. La collante. Ouais. Le changement c'est maintenant. Le lavement c'est maintenant. Le lavement. Ouais. Ouais, la collante, le lavement c'est maintenant. Elle est belle. Bravo. Monsieur. Ah le frottement dans ce cas-là. Le frottement. Oui. Ouais. Bah. Pourquoi pas. Donc voilà, c'est un titre de Steve Coleman, Dangerous. Et on expliquera le pourquoi du comment après. Hein. Très bien. Cher ami. Quelque chose à rajouter ? Vous m'envoyez ravi. Et ben, je n'ai qu'une chose à vous dire. Jazz ! Rastafari Babylon ! Selecta. This thought that music art knows sought to define and preserve an arbitrary past our life. Government putting the minds of our time into a structure of a specific kind, designed to turn creativity immediately, squashing the real deal, the will to break out of the ordinary, then link omnidimensional experience and walk in the land of the imaginary. define, preserve, and arbitrary past life is governed, putting the minds of our time into a structure of a specific kind, designed to return, create immediately, squashing the real deal, the will to break out of the ordinary, then link omnidimensional experience, and walk in the land of the imaginary. Hey! C'est Tortoli et Arbatax. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. Mais vous alors, qui êtes-vous? Tortoli. La fripouille, votre humble serviteur. Vous me reconnaissez soi. Non, je ne vous reconnais pas. Tortoli. Pas de problème. Tu viens, provocation, tu emmerdes les gens. Muscle ton jeu. Tortoli. Muscle ton jeu. Tortoli. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Channel 275. Stéréo, stéréo, music. Power. Vous écoutez Tortoli et Arbatax. C'est une spéciale jazz. Le jazz, la musique. Et la radio, c'est Radio Panique, c'est le 105.4 FM à Bruxelles. Comme tous les mardis de 17h à 18h, je suis entouré de quelques invités, aussi fameux l'un que l'autre, les unes que les autres. On s'est écouté un petit morceau, c'était Steve Coleman. Alors là, je vais demander l'avis d'un expert de la tease, monsieur Camille Escoubet. Vous avez sélectionné Steve Coleman, qui est un saxophoniste américain, improvisateur, compositeur du nom du même groupe Steve Coleman Band. Il est né à Chicago. Connaissez-vous quelques personnes de Chicago? C'est tout à fait. C'est une question piège. C'est une question piège. Bien sûr, nous n'allons pas parler de Chicago. Steve Coleman a été dessiné, représenté dans un portfolio. Un portfolio qui a été édité ces derniers mois par une super édition. Voulez-vous nous en dire un petit peu plus? Exactement. Un portfolio, une super maison d'édition qui s'appelle Super Loto Édition. Dont vous êtes le fameux représentant. Tout à fait. J'aime beaucoup tout à fait, je ne sais pas si vous avez remarqué. Tout à fait, bon, je l'ai remarqué. Ça me va, cela me sied. Donc c'est un portfolio sur le thème du jazz, puisque ce sont des dessins de l'auteur argentin de bande dessinée très connu, dénommé José Muñoz. José Muñoz, voilà. Voilà. Fameux. Qui a fait un reportage en 2001 à Jazz à la Villette. Alors, quelle est cette ville? Jazz à la Villette. Villette, c'est une petite où ville. Où ça se situe, là? Jazz à la c'est Villette. C'est la capitale de la France, en fait. Ah, d'accord. Ah, voilà. Jazz à la Villette, oui. Jazz à la Villette sur Seine, sur Loire. Ouais, sur Marne. Sur Marne, ouais. Très bien. Et donc, il a dessiné tout au long du festival, à la demande des organisateurs du festival. Et nous avons édité, avec Super Loto Édition, un portfolio reprenant ses principaux dessins et pages de bande dessinée sur ce thème-là. Ouais. Et Steve Coleman fait partie des musiciens dessinés dans ce portfolio. Il y en a bien d'autres, évidemment. Alors, j'ai envie de vous demander qui d'autre que Steve Coleman est représenté dans ce portfolio? Notamment Paul Bley, Drescht Quartet, nous avons aussi Jules Bicoco, M. Bizot, etc. À peu près la plupart des gens qui passaient au festival, en fait, en 2001. C'était en 2001 au festival Jazz à la Villette. Voilà, donc ça remonte, ça fait déjà 11 ans, en fait. Déjà 11 ans, voilà. J'ai envie de vous dire. J'avais 11 ans de moins. J'avais 11 ans, en fait. Il avait 11 ans. Vous avez donc 38 ans. C'est ça, à peu près. Et nous avons imprimé ça. Je peux finir peut-être? Non, d'accord. En fait, le temps presse. Donc, on n'est pas sur FIP en fait. C'est Radio Panique. Ah, pardon. Voilà, je vois que vous avez pris vos aides, vous parliez lentement et tout, mais il y a une différence. C'est pas FIP quoi. Mais je parle lentement parce que je suis suisse. En oui, fait. Bah, on a bien compris la blague voilà. de Montreux, la fameuse. Donc, ce portfolio est imprimé entièrement en typographie. D'accord. Technique de l'impression en relief, en fait. C'est exactement ce que j'allais vous demander. Voilà. Donc vous noirs... attendez que je pose les questions. Monsieur, vous vous impatientez. Pardon, me pardon. Semble. Pardon. Où les noirs sont extrêmement profonds. Les ce noirs qui... sont ex... les noirs, pas ah. les notes. Ah oui. Pas les gens. Oui. Les dessins noirs. Qui se heurte au blanc de la page immaculée. C'est beau. Le titre du portfolio. Qui s'appelle, effectivement, Blanc et Noir. Le titre du portfolio, Blanc et Noir. Voilà, comme dirait José Muñoz, Blanc et Noir. Parce qu'il a un petit accent. Ah d'accord, il est argentin, rappelons-le. Tout à fait. Il n'y a pas de papier, donc. Il a des papiers. C'est moche, cette insinuation, monsieur le baron. Là. Baron, von Wagner. Voilà, voilà. Pardon. À votre service. Donc, Monsieur Muñoz, argentin de ouais. renom et... Et maître du noir et blanc, accessoirement. Voilà. A eu, en plus de cette actu du portfolio, a une actu très très chaude en ce moment. Oh oui, oh que brûlante. Oui. Brûlante. Oh oui. Barbecue. Oh, fou, je chauffe. Ah, dites-moi. Demain, dans la ville de Bruxelles, il fait une conférence demain matin dans le grand auditoire de l'école Saint-Luc sur son travail. Pour que les étudiants en prennent un petit peu de la graine, n'est-ce pas? Oh, voilà. C'est un tacle, c'est un petit tacle pour me, de la ce part de monsieur Escoubet. C'est une référence incontournable. Je vous trouve un petit peu condescendant vis-à-vis de ces étudiants. Plutôt descendant. Plutôt. Ou con, pardon. Monsieur le Suisse est quand même friand des jeux de mots, j'ai l'impression. C'est à cause de Tortoli. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Ouais. J'aurais pas dû. Et donc ce mercredi matin, c'est à quelle heure? C'est à 10h à l'école Saint-Luc. À l'école Saint-Luc, dans le grand auditoire. Le fameux grand auditoire. Voilà. Là où il s'est passé des choses. Là. Tellement de choses. Souvenez-vous. J'ai jamais été. Moi non plus. Je n'ai jamais été. Est-ce qu'on s'écouterait pas un petit morceau de jazz? Oui. Notamment... En rapport avec le portfolio? Ça serait pas mal. Oh, allons-y. Ça serait un petit Paul Bay. Très bien. Qu'en pensez-vous? Très bien. Donc Paul Bay qui a été représenté sur le portfolio en sur la page numéro combien si on peut. Mais c'est un portfolio, il n'y a pas de numéro de page. On peut les inverser. Vous m'avez on pris peut les pour échanger. Un novice. vous m'avez pris pour un novice. Vous un êtes... portfolio veut dire un livre sans reliure finalement. D'accord. Bah, c'est... Voilà. Un portefeuille. Un portefeuille. Voilà, sans argent. Ouais. Très bien. Eh bien, je vous propose d'écouter ce Paul Bley. Le titre s'appelle Boss. Est-ce qu'on va demander une traduction au baron? Je ne sais pas. Boss. B-O-T-H. Ah, Boss. Boss. Boss. Alors, ça veut dire les deux. Ça veut dire. Ça veut dire ça, quoi. À peu près. Ça veut dire les deux. Oui. Boss. Nous y reviendrons, tout comme nous reviendrons au portfolio. Vous écoutez Radio Panique et non FIP. C'est le 105.4, c'est mercredi. Pas du tout, c'est mardi. Tortoli Arbatax. On écoute du jazz, alors fermez-la. Le soleil est bleu, le ciel brille, Tortelière Batax tous les mardis sur Radio Panique. Panique. Vous écoutez Tortelière Batax, c'est le 105.4, c'est Radio Panique, 105.4 FM à Bruxelles et sur internet www.radiopanique.org. C'est une spéciale jazz. Jazz, j'insiste sur le mot jazz. Jazz, merci. Jazz. Voilà. Et c'était donc un titre de Paul Blay. Blay, avec le titre Boss. Et donc ce monsieur a été représenté dans un portfolio que monsieur Camille, ici présent, vient nous présenter. C'est un portfolio qui a été édité par Super Loto Édition, mais dont l'auteur est internationalement connu, à l'instar de Super Loto Édition. J'aurais dû dire. Effectivement. José Munoz qui, en plus d'être à Saint-Luc, l'école Saint-Luc, ce mercredi matin, en conférence pour raconter un petit peu sa vie, ses déboires, qu'est-ce qu'il achète comme marque de cassoulet à Lidl, ce genre de choses. Il vient également jeudi pour une autre chose. Oui. Monsieur Camille. Effectivement, il vient pour faire, et cela va enchanter les fans de jazz et de portfolio et de José Munoz, une dédicace à la librairie The Skull, voilà, à Bruxelles, au 336 chaussée de Waterloo. Voilà, 336 chaussée de Waterloo, voilà. Ce que ça se situe à Saint-Gilles, hein. Oui, c'est ça. Pourquoi vous me répondez avec une petite voix fluette de chat perdu là. Fluette, le jazz. Ah voilà, voilà. Magnifique, voilà. C'est magnifique. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Il sera donc en dédicace donc jeudi de 14h à 18h. Alors en quoi consiste une dédicace? Bah, il fait des petits dessins pour ceux qui achètent le portfolio. C'est pas mal. À quel, est-ce qu'il y aura une indication tarifaire de ce portfolio? Le portfolio est situé vers un prix de 30 euros. 30 euros. Je n'ai plus en tête le prix en francs belges, mais voilà, c'est 30 euros. C'est 30 euros. Vous taclez en même temps la Belgique Pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, il n'y a pas de problème. Pas du tout. Non. Peut-être, je vois le baron se dresser sur ses grands poils. Peut-être auriez-vous quelque chose à dire? Ah non. À réagir? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Pas du tout. C'est que ça vous gratte en fait, c'est ça. Vous vous redressez, mais ça vous gratte. C'est autre chose. J'attends le jazz. Il attend le jazz. Très bien, très bien. Donc José Munoz en chair et en os sera présent au 336 chaussée de Waterloo. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Voilà. Peut-être voulez-vous repasser à une autre actualité ou un autre jazz? Que souhaitez-vous? Non. Tout est dit. Non, tout est dit. En ce qui concerne mon actualité propre. Non, bah je ne sais pas si l'auto-édition, cela va suffire. Je ne sais pas si je passe mardi de 17h à 18h à Radio Panique. Voilà. C'était aujourd'hui ? Ah oui, je crois que c'est passé. Peut-être vous avez une actualité radiophonique. J'ai cru comprendre que la semaine prochaine vous étiez également en direct parce que monsieur est un grand radiophoniste, on peut dire, je ne sais pas. Radiophologue. Toujours est-il qu'avec votre physique de radio, vous enchaînez les radios, quoi. Oui, je la semaine plus, prochaine, je sur quelles ondes européennes pourra-t-on vous retrouver? Une radio internationalement connue dans le département du Lot. Ah, ce qui reste quand même c'est à l'échelle internationale, voilà, assez important. Voilà, qui s'appelle Antenne Doc. Antenne Doc, une émission. C'est un jeu de mots assez sympathique. Hoc, Occitan, etc. Ah, pardon. Non, c'est pas antenne docteur, c'est pas un appel pour SOS médecin. Ah pas bon, du tout. Je pensais. Et non, c'est une petite émission, je suis convié pour parler des rapports entre le cinéma et la bande dessinée. Vous êtes spécialiste et de jazz, de cinéma, de bande dessinée, monsieur est pluridisciplinaire. Voilà. La classe. La classe, voilà, comme dirait le baron, la classe. Le baron, la classe d'ailleurs. Baron, la classe. On l'appelle comme ça entre nous. Entre nous. Tout à fait. Eh bien, c'est presque l'heure de la fin, mais comme nous sommes friands de jazz et que nous avons du mal à nous décider entre deux classiques, il y aura un classique pour les enfants. Un classique, je parle bien sûr d'un morceau de jazz classique pour les enfants. Il s'appelle... En anglais, je sais pas. I wanna be a man. I wanna be a man. A man. Je ne sais pas si nous aurions la version anglaise. Je ne sais pas. Bon, en français, c'est « Je veux être un homme ». Je veux être un homme, mais en anglais, ça serait « Swing Dance in Jungle Book ». Ouais, ça, c'est le titre YouTube, je pense. C'est pas du tout. Alors, monsieur, déjà, c'est la dernière fois que vous êtes invité. Là, ça devient trop. Toujours est-il que c'est mon émission, donc je passe ce que je veux. Swing Dance in Jungle Book. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top. T'as un problème, Camille? T'as un problème? I wanna be a man cub, and stroll right into town. C'est moins malin. And be just like the other men. I'm tired of mugging around. Oh, ooby-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, chip, talk like you, chip, chew. You see, it's true. Shoo-bidi-doo. An ape like me, scooby-dooby-dooby, can learn to be human too. You're part of the deal, cuz. Lay the secret on me of man's red fire. But I don't know how to make fire. Now don't try to kid me, man cub. I made a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, man cub. Come on, clue me what to do. Give me the power of man's red flower so I can be like you. Fire. That's what that scoundrel's after. I'll tear him limb from limb. I'll beat him. Yeah. Well, man, what a beat. Will you stop that silly beat business and listen? This will take brains, not brawn. You better believe it, and I'm loaded with both. Will you listen? Oh, yeah, yeah. Now, while you create a disturbance, I'll rescue Mowgli. Got that? I'm gone, man. Solid gone. Not yet, Baloo! Hey! There's a banrone. Have to be blada da da roan. And I'm a bit do sabba do the day, do bum the boo the days, the bones, the bop bop bobby. Abba do dee! Will a reba naza? Ebba da ba doi! Will a la ba zini? Walla but, woodla but, steeple that doody! Ooh, ooh, ooh, ooh! Ha ha ha ha! Get mad, baby! Ha la la la la! La ha la la la do doody! Ha la la la la la! Do do la da da da da! Do do do do do! Zeep da da ha ba da! You hoo hoo! I wanna be like you. I wanna walk like you. Cheap, talk like you. Do woo woo. You see it's true. Someone like me. Can learn to be like someone like me. Take me home, daddy. Can learn to be like someone like you. One more time. Yeah, can learn to be like someone like me. Bonjour, vous écoutez ces deux gros cons de Tortoli et Arbatax. Vous êtes contents. Ça tombe bien, eux aussi. Tout ça, sur radiopanique.org ou sur le 105.4 à Bruxelles. Et voilà, c'était donc un fameux classique de cette émission jazz. Un classique issu du dessin animé Le Livre de la Jungle, vous l'auriez compris. C'était un classique pour les enfants. Parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux à nous écouter sur FIP, sur Radio Panique, pardon. Pardon. Je tiens à remercier tous ceux qui ont réussi à rester jusqu'à la fin de cette émission. De rien. Étant donné la mollesse des paroles de chacun. des invités d'ailleurs. Obligés. Des invités. La semaine prochaine, promis, il y aura une émission techno art tech. Ça sera vénère. Ça risque de parler beaucoup plus vite. Voilà. Sous acide, bien sûr. Toujours est-il que. Pardon, vous vouliez dire quelque chose. J'ai avec du Red Bull aussi. Voilà, c'était une bonne interruption. Ouais, c'était... Ouais. Vous n'hésitez pas. Mais il vous reste 30 secondes. Toujours est-il, monsieur Baron Von Wagner, que je vous remercie vivement, chaudement, chaleureusement, d'avoir participé à cette émission jazz de Tortoli et Arbatax. Peut-être avez-vous quelque chose. Normalement, quand on dit merci, personne répond quelque chose. De rien, merci, bisous. Voilà. Bisous, jazzou. Mais oh, merci. Bisous, jazzy. Merci. Vous nous délectez de vos paroles, merci. Monsieur Camille Escoubet, Super Loto Édition, on rappelle votre actualité brûlante barbecue. C'est jeudi, votre ami Munoz qui sera en séance de dédicace à la librairie. À l'abri du vent et à l'abri des photographes colibés. des colibés. Il viendra dédicacer son portfolio à la librairie Skull, 336 Chaussée de Waterloo. Le tout édité par Super Loto Édition, dont vous êtes le grand porte-drapeau. Et imprimé par l'imprimerie Trace, il faut le dire aussi. La fameuse. Voilà, la fameuse. The famous one. L'année prochaine, enfin la semaine prochaine, pardon, on fera une chronique procrastination. Voilà, on remet ça la semaine prochaine. Il n'y a pas de soucis. Ça me va, moi. Ça va. On procrastine en attendant. Voilà. On va se passer un petit classique. Miles Davis, c'est l'ascenseur pour l'échafaud. Et tu me remercies pas, moi. Ah, pardon, vous étiez là. Je ne vous avais pas vu. Oui, merci Camille Escoubel. Merci. Et Super Loto Édition que vous représentiez ce soir. C'est tout ? Vous aviez un mot à rajouter ? Coucou. Coucou. Voilà. Coucou Suisse. Coucou Suisse, qui me fait penser à l'expression de la semaine dont vous êtes appelé à voter toute la semaine. Un grand merci. Un grand de rien. C'est comme vous le souhaitez. Tortoli Arbatax, c'est tous les mardis de 17h à 18h. C'est la fin de cette émission spéciale jazz. Juste après, à 18h, vous avez rendez-vous avec G-Boutique. G-Boutique qui me dit tranquille. Mais je ne vous ai rien demandé. Il n'y a pas de souci. A très bientôt. On s'écoute un petit Miles Davis, Tortoli Arbatax. 17h, 18h, restez connectés. Au revoir. Bisous. Que se passe-t-il exactement ? C'est Tortoli et Arbatax. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable.